Au sport. Le 20 décembre, au hockey mineur dans la Ligue Simple-Lettre en feu de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Frontalier Quatico-Calistinguis à 15h. L'équipe novice B affronte Hockey Expert Sherbrooke, aussi à Calistinguis, à 16h15. L'équipe novice C est également à Calistinguis. Elle rencontre Métro Brunel-Val-Saint-François à 17h30. L'équipe Atome A est à Stanstead pour affronter les cantonniers de Magog à 16h30. À 15h, l'équipe Atome B est à Magog pour visiter les cantonniers A. L'équipe Peewee A affronte Frontalier Quaticook à Quaticook à 16h15. L'équipe Peewee B est à l'Arena de Florimont à 13h15 pour affronter Club Piscine Sherbrooke 2. L'équipe Midget B affronte l'équipe de Quaticook à l'Arena de Stanstead à 20h30. Le 21 décembre, dans la même Ligue de hockey mineur, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Thibault GM Sherbrooke au centre sportif Thibault GM Chevrolet de Sherbrooke à 13h25. L'équipe Atome A reçoit Métro Plouffe Sherbrooke 1 à 13h30 à Calistinguis.